We've got the number one hits. Allez. It's about that time. Time is to leave. Tick, tack, tick, tack. Turn it all the way up. Time is to leave. Bonjour à tous. Fusillade en Guadeloupe hier. Trois hommes de 37 ans ont été blessés par balle, dont deux grièvement. L'un au cou, l'autre au tibia et le dernier au bras. Les secours et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus sur les lieux. Les circonstances exactes de cette fusillade restent à déterminer. L'inquiétude grandit après la disparition d'un jeune homme de 23 ans dans la rivière La Comté. Dimanche, il aurait sauté d'un ponton avant de disparaître sous l'eau. Les recherches entamées le soir même par les pompiers et les gendarmes n'ont rien donné. Elles ont repris hier matin avec des moyens renforcés. Ils sont, eux, sains et saufs, portés disparus depuis dimanche soir. Sept jeunes randonneurs ont été localisés hier après-midi dans les hauteurs de Matouba, à Saint-Claude, en Guadeloupe. Après une première tentative de reconnaissance aérienne, une équipe de secours a été envoyée à pied. L'intervention des pompiers a donc permis de les secourir alors qu'ils étaient à court d'eau et de nourriture. La leptospirose continue de croître aux Antilles. C'est ce que révèle le bilan de surveillance concernant l'année 2020. Publié par Santé publique France. La maladie, qui se transmet principalement par l'eau contaminée par les urines de rongeurs, est en augmentation depuis 20 ans. L'an dernier, 104 cas ont été notifiés à l'ARS de Guadeloupe. C'est 36 de plus que l'année d'avant. En Martinique, c'est la même rengaine, à 39 cas de leptospirose en 2024 contre 26 en 2023. La plage et l'étang des Salines sont en danger en Martinique. En présence des quatre députés de l'île, une réunion de crise s'est tenue hier sur le site. Rejet de produits chimiques, accumulation de déchets, dégradation de la végétation, autant d'atteintes à la préservation d'une zone humide dont l'importance fait pourtant l'objet de plusieurs labellisations. Une prochaine rencontre est prévue à la fin du mois d'août. Et puis en escrime, près d'un mois après des championnats d'Europe réussis, l'équipe de France d'escrime part à la conquête de titres mondiaux à Tbilissi en Géorgie. Du 23 au 30 juillet, 6 ultramarins seront en lice. Bonne journée à notre écoute. Little boy, how we looking? What? One done. Little boy, how we looking, Nana? Oui, bon Dieu, pas fazot. I tell you all what I get in is mes prix. Oui, bon Dieu, pas fazot. Oui, bon Dieu, pas fazot. What? Every day is stress. Yeah. I cannot take it, baby, next. Lord, Lord. Wow, every day is stress. Yeah, I cannot take it, baby, next. Talking in your head, you baby, your friend and them not sleeping in your bed with you, baby. I don't do nothing on your head. I hear them going in.